était plus important que nous. Toute complicité m'a passe nous pas t'es d'accord. Si moi ça qu'a fait jour pour jour. Qu'elle nous déchire nous, des mots qui fait nous mal. Voit une sortie au scandale. Et je dis,